petite gosse de la zone. T'as le cœur qui bat le macadam. C'est l'aventure au coin du bloc. Tes loques te sapent comme une vraie dame. Petite môme sur le béton. T'écris ta passion en couleur. Soleil habite au fond de tes yeux. Y'a de la joie sur ton malheur. Toute seule dans ta cage. Oubliée dans l'escalier. Toute seule sur le nuage. Abîmée, sacrifiée. Je veux t'enfuir de ta grisaille. Et tu voyages dans ta tête. Y'a tes 16 ans qui éclaboussent. Et mes 40 qui te font la fête. Petite chatte de la zone. Les toits brûlants sont pas pour nous. Ta peau bronzée sur le bitume. Tes robes qui montent au-dessus des genoux. Seule dans ta cage, oubliée dans l'escalier, toute seule sur le nuage, abîmée, sacrifiée, comme un vertige mal de mer, je suis malade dans tes étoiles. Je n'ai même plus les pieds sur terre. J'ai même envie d'enlever ton voile. London câline sur ton boulevard. Ton blouse s'habille comme une princesse. Tu remets tes hanches sur le trottoir. Tu me files un peu de ta jeunesse. Toute seule dans ta cage. Oubliée l'escalier, toute seule sur le nuage, abîmée, sacrifiée.